Rock sur webpassion.com. La technoscience sous un soleil radieux nous permet l'invention de mondes merveilleux. 100 000 raisons de tourner la page quand je pense que Suzy est restée à la plage. Ouh, le bonheur est partout, ça déborde même, c'est fou. Ça doit pas être facile de trouver son style. Allez. T'as vu, t'as bien suivi la trace. Comment tu peux tranquille éloigner les menaces? Comment tu peux t'envoyer les princesses de l'espace? Envoyer les risques aussi, faut pas trembler, hélas. Le plaisir est à nous, y'en a pour tous les goûts. Ça va pas être facile de trouver son style. Allez. Je sais pas moi, c'est ma sœur. Même s'il y a plus vraiment de machine à vapeur, quand on y est pour rien, qu'on y est pour personne, on peut toujours essayer l'amour au téléphone. Du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Fabien en direct d'Only Rock pour l'émission du 23 juin. Bienvenue à toutes et à tous à bord de Radio Web Passion, bien évidemment. Only Rock, la passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. Aujourd'hui, une émission qui va tourner autour du rock, forcément, vous l'aurez compris, avec anciens titres, quelques récents morceaux également, avec on aura quelques duos et on aura une palette de rock assez éclectique, parce qu'on va passer entre autres du The Do, du Paul Person, mais du Bowie avec un artiste que je vous tais pour l'instant. On aura du Dionysos, on aura du Franz Ferdinand, bref, la place va être faite au rock français entre autres, mais voilà, il y aura plein d'autres artistes et ça va être assez éclectique comme je vous l'ai dit. On commence avec un titre sorti sur l'album Shaken. Donc là, c'est un petit clin d'œil aux étudiants, surtout du collège, qui font de l'anglais, qui apprennent les verbes irréguliers. Donc l'album Shaken, c'est du groupe duo de Do. Et on écoute tout de suite Miracles Back in Time. Thank you. Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et bien sûr, on est en direct, il est 17h38 exactement. Vous êtes bien sur Radio Web Passion, pendant 1h30, on est ensemble pour l'émission Only Rock, bien évidemment. Only Rock, la passion du rock sur le web. Alors la passion du rock sur le web, c'est bien ici. On va enchaîner avec un artiste qui, je vous le dis, allez en douce, il est né donc le 27 décembre 1949 sous le nom de René-Paul Roux. Il est notamment l'un des guitaristes et chanteurs français de blues et de rock le plus réputé pour sa technique et son savoir-faire. En 2014, il sortait un album qui s'appelle Puzzle. Dessus, on y trouve le titre « À la croisée des chemins ». Et bien sûr, je voulais vous parler de Monsieur Paul Person. « À la croisée des chemins », c'est parti. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Et on continue notre chemin à travers le rock. Et là, je vais vous présenter un artiste qui était au festival Rock en Seine en 2013. Mais il est plus connu parce que il a fondé, était membre du groupe américain de metal System of a Down, avec lequel il a enregistré 5 albums. Bien sûr, il est d'origine arménienne. Je vous parle bien sûr de Monsieur Serge Tankian avec une voix absolument remarquable. Et pour ça, je vous laisse écouter Butterfly. C'est sorti sur l'album Harakiri. On écoute tout de suite Serge Tankian à bord d'Only Rock. Et le titre, c'est Butterfly. Only Rock, la passion du rock sur le web. Et c'était Butterfly de Serge Tankian à l'instant. Et on enchaîne avec deux artistes Une petite, un petit moment d'émotion là, parce que le 6 avril 2018 disparaissait le grand Jacques Higelin à l'âge de 77 ans. Et quelques mois plus tard, lors de la 34e édition des Victoires de la Musique, deux de ses enfants, Arthur H. et Isia Higelin, lui rendaient un hommage particulièrement touchant avec le titre « Je ne peux plus dire je t'aime » qui était sorti sur l'album en 79 « Caviar pour les autres ». Mais voilà, donc là j'ai voulu faire un petit clin d'œil au grand Jacques Higelin à travers deux de ses enfants, Arthur H. et Isia, qui nous chantent pour Only Rock « La beauté de l'amour ». Sortie de la villa juste après l'orage. Tu as trébuché, j'ai démarré et on a pris le large. Quitter les rivages, quitter les indélicatesses. L'âme légère et sans personne pour nous tenir en laisse. Beauté de l'amour, Arthur H. et Isia en duo dans Only Rock. On continue notre parcours musical à travers le rock avec deux emblématiques chanteurs rock anglais qui ont fait exploser les années 60, 70, 80, 90 et 2000 encore. Bien sûr, je parle de monsieur David Bowie et monsieur Mick Jagger. Parce que voilà, dans un journal un peu sulfureux, on va dire, Angie, l'ex-femme de David Bowie, s'était confiée il y a quelques années au journal The Sun, le journal anglais, et elle y révélait que le chanteur David Bowie avait eu des relations sexuelles avec Mick Jagger, tout simplement des Rolling Stones, parce que tous les deux avaient le goût pour les parties fines, à deux, à trois, avec des hommes, des femmes. Donc voilà, c'était, si vous voulez en savoir un peu plus, eh ben, j'allais voir sur le net et aller voir un sacré journal qui fait la une avec des gens connus, qui se situent à Paris, là où il y a des matchs, entre autres. Voilà, donc vous pourrez découvrir ça. En attendant, Moi, je vous propose de retrouver ces deux messieurs-là, Bowie et Jagger, autour d'un micro, avec le titre « Dancing in the Street ». Dancing in the Street, c'était Monsieur David Bowie accompagné de Monsieur Mick Jagger au micro et on continue notre parcours musical. Alors là, on est en Angleterre, là on va plus au sud, hein. On va en Espagne. Alors c'est un groupe, ils sont 8, ils se sont formés en 1986 à Valladolid. Ils sont influencés par le rock et par des musiques un peu celtiques, mais ils chantent en espagnol. Bien sûr, je veux parler du groupe Celtas Cortos. Et pour leur rendre hommage, eh ben, leur titre phare qui les a fait connaître outre-Pyrénées, le titre c'est 20 de Abril. estos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et oui, on est toujours en direct, et là on va du côté de Valence, parce que dans les années 90, émergeait un groupe qui s'appelle Dionysos. En 96, ils sortaient leur premier album autoproduit, Happening Songs, qui était diffusé sur quelques radios locales du côté de Valence, notamment Radio Méga, entre autres. Et c'est ainsi qu'ils se sont fait connaître par le biais, forcément, de leurs concerts, de leurs prestations scéniques, qui étaient vraiment absolument fabuleuse jusqu'à encore aujourd'hui. Et puis, ils se sont fait connaître un peu plus par le grand public en 99 avec l'album Haïku, notamment avec les titres Coxnell et 45 Tours. Nous, on va s'intéresser à un album qui est sorti beaucoup plus tard. L'album, c'est Monster in Love. Et dessus, Mathias Malzieu rend hommage à un tennisman anglais. Lequel? Eh ben, je vous laisse tout de suite découvrir les poetry de monsieur. C'est parti. Voici l'étrange histoire d'un tueur en série un petit peu particulier, d'un genre plutôt nerveux. John McEnroe, John McEnroe, my poetry. It will be written with the blood of the bad referee. I said it's back, it's my against book. And there's no cherry stuff anymore. There's only strange four big maps and a picture of a girl with a strawberry face. Poetry. I feel like John rock and roll. Do you know my poetry? Vraiment extraordinaire, qu'on a à peu près réussi à l'Olympia, qu'on a même fait aux arènes de Nîmes une fois, c'est qu'il y ait un genre d'ovation comme si mon père, ma soeur et toute la famille, c'était des putains de rockstars et que vous leur criez dessus à fond parce qu'on va jouer neige, genre maintenant comme ça là. Et voilà, Dionysos sur scène. Alors, si vous ne les avez jamais vus, eh bien, je vous encourage fortement à aller les voir parce que notamment Mathias Malzieu, l'âme, la colonne vertébrale du groupe, le chanteur, l'interprète, le compositeur, l'interprète. Vraiment, c'est une bête de scène et je pèse mes mots parce que si vous ne l'avez jamais vu, bah, c'est vraiment une puce électrique qui sait emmener une foule comme on venait de l'entendre là juste avant pour rendre hommage à son père et sa sœur qui étaient dans la salle. On continue avec un groupe breton qui, après avoir fait 4 albums studio, se sépare en 2008. Et puis, voilà, pour les 20 ans du groupe, en 2015, ils décident de sortir un double best-of. Et puis voilà, le 23 septembre 2016, le groupe annonce sa reformation pour une nouvelle tournée et sort un nouvel album à ce moment-là, qui s'appelle Plate Couture, sorti en 2017. Mais nous, je vous parle du groupe breton Matmata. On va du côté de l'album Rebelote et on enchaîne avec Quelques sourires, parce qu'en ce moment, eh ben ça fait du bien d'avoir quelques sourires sur les visages des gens. C'est parti. Pardon de n'avoir surveillé les mots qu'il fallait travestir. Pardon d'avoir juste essayé. juste essayer de vous voler quelques sourires. Pardon d'avoir juste essayé de vous voler quelques sourires. Quelques sourires. Quelques sourires. Quelques sourires. Quelques sourires. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et vous les aurez reconnus juste après Matmata, c'était les Anglais de Franz Ferdinand qui faisaient sensation dans les années 2000 avec leur titre Take Me Out. On enchaîne, sans transition aucune, avec, tenez-vous bien, deux frères brésiliens qui monte un groupe à Phoenix en Arizona, donc aux États-Unis. Alors c'est Igor Cavalera à la batterie et Max Cavalera au chant et à la guitare. Ils vont s'associer avec Mark Rizzo à la guitare et Johnny Cho à la basse pour former le groupe Cavalera Conspiracy. Il se forme en 2007 et en tant qu'Inflicted, nom qui doit être modifié à la suite de conflits juridiques. Ils deviennent donc Cavalera Conspiracy, mais Inflicted, c'est le nom de leur album sur lequel je vais vous diffuser le titre Sanctuary. Alors, sans plus attendre, accrochez-vous, parce que là, ça va déménager. Cavalera Conspiracy, Sanctuary, tout de suite. Vous êtes parti pour 3 minutes 25 de tapage nocturne et diurne en même temps. C'est parti. Everybody die tonight. Call me negative, call me what you want. You are nothing, never was. these over islands, I'm returning to the place where I was born at home. Passion du rock sur le web, une émission animée par Fabien sur radiowebpassion.com. Et voilà, on retrouve le studio, on retrouve le micro de Radio Web Passion et ça fait du bien après ces quelques semaines, quelques mois de confinement et de privation de micro en direct à la radio. Voilà. On continue. Alors, je vous ai fait un peu le grand écart entre la Cavalera Conspiracy américaine et les Anglais de Gossip. Mais voilà, Only Rock, c'est aussi ça. On écoute un peu de tout. Et dans le mot rock, vraiment, là, le panel est extrêmement large. On peut se faire plaisir. Là, on continue notre voyage du côté des Amériques. Et on va dans le nord de l'Amérique. On va au Canada et plus précisément, on va à Repentigny. C'est au Québec. Là où les Cowboys Fringants, un groupe de folk et de country québécois, a vu le jour. Le groupe a vendu un peu plus de 800 000 albums à travers toute la francophonie. Il défend entre autres, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, l'indépendance du Québec et il défend également l'environnement. Tous les membres du groupe participent à l'écriture des chansons, mais la très grande majorité est écrite par Jean-François Posé, voilà l'un des membres du groupe. Et en 2006, le groupe Cowboy Fringant lance la fondation Cowboy Fringant, qui lutte pour protéger des portions du territoire québécois. Donc là, on écoute un titre qui va plaire aux jeunes filles. Alors si vous connaissez une jeune fille de 25 ans qui n'est pas encore mariée, on va dire que c'est une Catherinette. Et donc là, les Cowboys Fringants rendent hommage aux femmes, mais aux femmes fortes et indépendantes. Et on écoute tout de suite le titre. Et là, je vous conseille vraiment de bien, bien écouter les paroles parce qu'elles sont vraiment délicieuses. La Catherine, c'est tout de suite. Marchait les pieds en canard, en se traînant paresseusement les bottines. La Catherine, invariablement en retard, mais s'arrêtant devant chaque vitrine. La Catherine, elle étudiait l'histoire de l'art, n'était pas du type à faire sa médecine. La Catherine, travaillait le soir dans un bar, payer les comptes et la nicotine. La Catherine, à 27 ans, on pouvait dire qu'elle était encore très jolie, même si les cernes trahissaient ses courtes nuits. Car malgré les traits tirés, elle avait gardé au fond des yeux ses petites lumières qui brillaient de plein feu. Tous les matins au déjeuner, elle faisait des croquis sur des napkins. La Catherine, quand elle était mal réveillée, rosser son café avec du gin. La coquine, sa vie était un vrai bordel, elle n'avait pas beaucoup de discipline. La Catherine, préférait brûler la chandelle, sa voix genre à veiller dans sa cuisine. La Catherine, avec 7 ans, pouvait dire qu'elle était un peu tête en l'air. sais pas vraiment. Avec l'avenir, l'argent, la pluie, le beau temps. Et malgré son bon caractère, elle trouvait qu'elle était humaine. Elle trouvait bon quand elle était SPM. Elle n'aimait pas la routine, la margarine et sa maigre poitrine, la Catherine. Mais elle aimait sa taille fine, la poutine et sa vieille voisine, la Catherine. Pas besoin d'une limousine, elle ne portait ton pied que ses bottines. C'était bien assez pour qu'elle trottine. La Catherine a son rythme, elle chemine. Esprit de bottine, elle cabotine. La Catherine. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Radio Web Passion, c'est Only Rock le mardi, mais c'est aussi le Hot Rods le mercredi de 18h à 20h avec l'ami Jackal au micro. Mais le jeudi, c'est également au cœur de Johnny avec l'ami Jean et à la technique pop, je me souviens plus, mais il me pardonnera. Et puis le lundi, je crois que ça sera lundi prochain, le 3 juillet, dans deux semaines donc, quelque chose comme ça si je ne m'abuse, ou le 6 juillet je crois. Enfin bref, surveillez ça sur Facebook, dans les coulisses des studios, dans les coulisses de Bérénice, je crois. Oh, qu'elle me pardonne. Le lundi soir avec une émission spéciale ingénieur du son. Donc vraiment, dans l'émission, dans la radio Web Passion, vous en avez pour tous les goûts. Après les Cowboys Fringants, on va écouter un groupe britannique originaire de Southampton, formé en 2004 avec Emma Richardson à la basse et au chant, Russell Marsden à la guitare et au chant et Matt Hayward à la batterie. Bien sûr, je parle du groupe Band of Skulls et on écoute tout de suite The Devil Take Cares of His Own. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, l'année 2020, pour certains, elle n'a pas été terrible. On peut dire que le diable prend soin de ses ouailles. Tout de suite, les Band of Skulls. Now you wanna Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. On vient d'écouter les Between Wounds du groupe Last Train. Alors Last Train devait être en concert au Temps Machine à Tours le 31 octobre prochain, mais le concert est reporté à 2020. On pourra retrouver au Temps Machine à jouer les tours, donc Last Train, le samedi 3 avril 2021 à 19h30 avec une première partie. On enchaîne avec les Charentais de Lazy Strata, qui sont fait découvrir par une petite asso, je crois, à la MLC de leur village. On écoute Asylum. I love you. Allez, petite promo interne, je vous le disais, donc demain, mercredi 18h, ça sera la 22e émission Hot Rods de l'ami Jackal. Et puis, vous retrouverez Bérénice donc, pour son émission Dans les coulisses, le lundi 6 juillet, avec un artiste très talentueux de la région. Donc vraiment, restez à l'écoute. Et puis, elle vous informe, Bérénice, que l'émission qui était prévue, une émission spéciale dans les coulisses technicien du son, sera rapidement reprogrammée. Donc, restez à l'écoute. Et puis, au cœur de Johnny, jeudi, juste avant la brocante du rire, le live de Jerem le vendredi, les après-midi de Kylian également. Bref, le Radio Web Passion, c'est vraiment un programme d'émissions très varié et très éclectique, comme on aime dans Only Rock. On continue avec les Bretons, encore des Bretons, oui, mais que j'aime tout particulièrement. Leur album qui est sorti à la fin de l'année, c'était Nomade. Et on écoute le titre On Marchera. Alors, si vous y voyez un clin d'œil avec un président actuel, c'est sûrement qu'il y en a un. Ne tergiversez pas, on est si peu nombreux. Venez avec moi, écoutez ma voix. Je suis presque un dieu. Où l'on va, je ne sais pas. Ensemble on marchera. Pour écorcher ma voix, écouler ma foi. Le grand chambardement. À deux on sera trois. Et bientôt dix, tu vois. Le grand commencement. Chemin sans savoir où il va, ensemble on ira loin. Bougez-vous les reins sans faire trop d'éclat, après on verra bien. Broutez mon chemin sans savoir où il va, ensemble j'irai loin. Sucez les vauriens, cachez les coups bas, car on en a besoin. Où l'on va, je ne sais pas, ensemble on marchera. Pour écorcher ma foi, écouler ma foi, le grand débarquement. 21, 22, 23, le grand commandement. Allez, filez-moi. Eh bien, pendant que certains se la coulent douce au bord d'une piscine en écoutant à bloc, à fond, Merzine, eh bien, je leur souhaite une bien belle soirée au bord de l'eau dans ce très cher département qu'est l'Indre-et-Loire. Et on continue. Alors là, on va sûrement se brûler. Oh là là, quelle mauvaise transition trop facile. On écoute Mass Hysteria se brûler sûrement. C'est parti pour 3 minutes 44 de folie. vous l'avez dit, se brûler sûrement, ça ne s'invente pas. Mass hysteria, et on commence à avoir chaud dans l'Orléanais, et la température va monter encore jusqu'à la fin de la semaine. Si vous aimez Mass hysteria, je vous invite à les retrouver sur les réseaux sociaux parce qu'ils mettent souvent en vente des articles de leur merchandising. C'est aussi un moyen de soutenir les groupes qui n'ont pas pu jouer pendant 3 mois et qui ne vont pas pouvoir encore jouer pendant quelques mois, j'imagine, pour ceux qui rassemblent plus de 5000 personnes comme les Mass hysteria. Donc allez les soutenir, achetez leur merchandising, allez les écouter sur tous les sites de streaming possible, acheter leur album aussi, ça aussi, c'est important. Et on continue avec un groupe tourangeau qui a bien besoin, mais qui a eu la chance de jouer pour la fête de la musique du côté de Tours. Je parle bien sûr des Kill the Shade. On écoute le titre Promise, précisément, sorti sur l'album Cataclysme, que je vous invite à aller découvrir. Alors, je vous le dis, ils sont de Tours, ils sont 4, Christophe au chant, et puis ses acolytes derrière. On écoute tout de suite Kill the Shade. Promise, c'est maintenant dans Only Rock. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. On continue pour les 5 dernières minutes d'Only Rock avec un groupe bordelais qui chante une ville du Nord, Gravelines. Vous avez reconnu forcément le groupe Eiffel. Mais je voulais juste parler, profiter du moment pour vous parler de Romain Humeau, le chanteur de Eiffel, qui sort le 18 septembre prochain son album. Et en attendant, il a sorti en 45 tours le premier extrait de son album. Il s'appelle Echo au pluriel. Le clip également est sorti sur internet, donc vous pouvez les retrouver en tapant Romain Humeau, Echo au pluriel. Et pour ça, pour l'occasion de ce nouvel album solo, Romain Humeau a monté son propre label, le Seed Bombs Music. Donc allez voir sur Facebook, sur Instagram, sur je ne sais quoi, allez voir et soutenez également ces artistes qui ont besoin de vous. Allez acheter leur 45 tours. Moi, j'ai acheté Echo, je l'ai écouté. Il est tout simplement magnifique, une belle écriture, une voix bien posée comme il faut. Donc, allez acheter les albums des groupes. Allez les voir si c'est possible dès qu'ils joueront sur scène. Mais vraiment, soutenez-les, ils en ont besoin. Donc là, pour se faire un petit plaisir, on écoute Gravelines et c'est Eiffel. Where the graves night last waltz and grave lines, blood's brooks are rushing dry, and the red rooks are singing to the end of time. Cœur caressé, idylle atomisée. Tristan Isol tiraillé à la cime des cheminées. Black rain in grave lines, two lovers mine and mind, smelting their passions within doom's shrine. Crossbones on grave lines, fruits are floating high, blue foxes are baying at the moon's child. Cœur caressé, amants atomisés, oubliant l'air biralié, ricanent les cheminées. Si la pluie est fine, battre sur Gravelines, vol d'éperviers mutants, signes au bec tranchant, et de bûchers en décombre, sur l'air des vanités, des hardcore effacés. With the end of time. Et voilà, 19h passé de 50 secondes à l'horloge de Radio Web Passion. Il est temps pour moi de raccrocher, d'éteindre le micro et de laisser reposer un peu la table. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine, mais d'ici là, demain 18h, Hot Rods, jeudi, la Brocante du Rire, suivie de Au cœur de Johnny, et puis plein d'autres émissions. Allez sur le site www.radio-webpassion.fr et vous retrouverez toutes les actus de notre radio, de nos émissions. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et on se quitte bien sûr avec un petit extrait du générique d'Only Rock. À bientôt les amis, ciao ciao. Comment tu peux tranquille éloigner les menaces? Comment tu peux t'envoyer les princesses de l'espace? Avant qu'il y ait des risques aussi, faut pas trembler, hélas. Le plaisir est à nous, j'en ai pour tous les goûts. Ça va pas être facile de trouver son style. C'est pas moi, c'est ma sœur. Même s'il y a plus vraiment de machine à vapeur, quand on y est pour rien, qu'on y est pour personne, on peut toujours essayer l'amour au téléphone. La passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion.